Yeah. faire engueuler, on va triper. J'entends ma batterie. Bon, je reviens, je vais juste voir. Je croyais qu'il y avait Cabas tout à l'heure. Elle est partie, merde. C'est mon mentor, Cabas. This is fun. Mais qu'est-ce qui se passe? Qui c'est qui a un micro là? Fun. C'est toi, Tom? Fun. Synthesizer. Sorry about that. Always the same. Not good in playing piano. Les Français. French Connection. Come on. Les Français. Too heavy for this instrument. Oh, is that a bossa nova? Sounds like bossa nova. Swing! Swing! This is swing rhythm. You have to play this. Thank you. Thank you.